Avec qui parler? J'ai la levée, levée, la moto. Poto, tu t'entends bien. Ne touche pas ça, croiser en l'air. Bientôt, je lève une main. Et fais pas ta pute. Ça peut gâcher ta répute. J'écoute pas trop ce qui se fait. Mon défi béton en repeat. Je pense que je m'enferme, frérot. Moi, j'ai trop les crocs. Pourquoi ça dit que n'importe je quoi? Je vous oublie pas, je vous oublie pas. Les faux culs, les faux potes et les traîtres. Ouais, je vous oublie pas, je vous oublie pas. Y'a des problèmes, on les réglera dans le 13. Ouais, je vous oublie pas, je vous oublie pas. Je vous ai aidé, vous m'avez tous descendu. Ouais, je vous oublie pas, je vous oublie pas. Aux ennemis, vous faites des comptes rendus. Ouais, je vous oublie pas. J'ai pas besoin de votre aide. La route tourne, bande de traîtres. Moi, je compte pas quand je donne. Toi, tu comptes quand tu me prêtes. J'en avais qu'un coup de temps. De faire attention à qui je parle. Ou si je croise des boutons. Qu'un peur, qu'une heure. On est au check, on aime bien notre vie de merde. Quand on parle, on est obligé de faire. Pour l'honneur, pas pour faire les gangsters. Plein de stars, c'est comme ça qu'ils me voient. Je me la raconte pas, c'est comme ça qu'ils me veulent. On s'en fout des jaloux et de ceux qui croient. Comme un homme, je me démerde tout seul. On sait pas là, tant demain c'est mon dernier soir. Ça marche pas, garde un brin d'espoir. Ne pète pas les plombs, va pas te faire un sport. La patience vaut de l'argent, suis la preuve, n'est-ce pas? Faut qu'on me laisse. Faut que je fasse mon tour dans la tête. Toi tu régresses, je progresse. Et je l'ai fait, les mains baissent. Je vous oublie pas. Les faux culs, les faux potes et les traîtres. Ouais, je vous oublie pas. Y'a des problèmes, on les réglera dans le 13. Ouais, je vous oublie pas. Je vous ai aidé, vous m'avez tous descendu. Ouais, je vous oublie pas. Aux ennemis, vous faites des comptes rendus. Ouais, je vous oublie avant pas. Avant nous deux, on se côtoyait. On les aimait pas. Maintenant, toi, tu restes avec eux. Je le crois pas. Moi, j'ai ma famille, moi, j'ai ma team. Je les déçois pas. J'ai pas d'ennemis, j'ai pas d'amis. Mais les vrais gros, je les oublie pas. Avant nous deux, on se côtoyait. On les aimait pas. Maintenant, toi, tu restes avec eux. Je le crois pas. Moi, j'ai ma famille, moi, j'ai ma team. Je les déçois pas. J'ai pas d'ennemis, j'ai pas d'amis. Mais les vrais gros, je les oublie pas. Tu me colles, j'ai pas besoin d'aide.